حق اللي في الغمو داس لوراك ضرفان لقيس نسع تدادي سلك يا نوكان إما قايد أراد لقاها نوت نسيان ما قارني زفل صبحر ماغن وما C'est pour la famille, t'inquiète, faut zapper les soucis. C'est des Sahraoui et son pote le souci. On te ramène la bonne humeur, vas-y check ça. Blé de 9-5, vas-y écoute ça. Suis la foule vers la tranquillité, paisibilité, pourquoi donc se quitter? Ça vient ta mazip, c'est pas le club med. Suis la mélodie qui sort du ribeb. Y'a pas de crari, carry, tease ni ta pari. J'vois que t'as sourire, qu'est-ce que tu paries? Ok, c'est Raïs frérot, opérationnel pour un grand départ poteau. A la tienne, balance la théière pour les sœurs, les frères, on sait ce qu'on a à faire. J'en passe la scorpion, DJ Youssef. Mousse Hassan admire tout ce qu'on a à F. بارك الله الفرح نغصت قلبك داري ومرحباسي وانت تيقوم مدنع دلين ومرحباس المكان اللي الشور يسرق ميان ولا حكم ذيت ولا تحية تحمل قردوان ولا تصرق يمين ونكون مادي كل شر مادي كل شر Je t'emmène dans mon délire, c'est OP, c'est Ida Saïd, c'est tout célire. Dégaine, la bonne atmosphère, si t'es pas hamiqué, qu'est-ce que tu veux faire? Vas-y, viens que je t'emmène loin d'ici, strass, paillettes, stress dans la tête. Sors le t-shirt et jette ta doudoune, on te le répète. Arwah al-Mun, arwah al-Mun, arwah al-Mun, arwah al-Mun, arwah al-Mun, arwah al-Mun, arwah al-Mun, arwah al-Mun, arwah al-Mun, arwah al-Mun, arwah al-Mun, arwah al-Mun, arwah al-Mun, arwah al-Mun, arwah al-Mun, arwah al-Mun, arwah al-Mun, arwah al-Mun, arwah al-Mun, arwah al-Mun, arwah al-Mun, arwah al-Mun, arwah al-Mun, arwah al-Mun, arwah al-Mun, arwah al-Mun, arwah al-Mun, arwah al-Mun, arwah al-Mun, arwah al-Mun, arwah al-Mun, arwah al-Mun, arwah al-Mun, arwah al-Mun, arwah al-Mun, arwah al-Mun, arwah al-Mun, arwah al-Mun, arwah al-Mun, arwah al-Mun, arwah al-Mun, arwah al